Honnêtement, j'y crois pas une seule seconde. Si c'était le cas, Tiffen Murmure aurait probablement fait plus attention à sa tenue au moment de sortir sur le balcon.